Le Comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigeria a inséré le 2 juin dans leur homepage d'Internet un article qui note que le dirigeant suprême Kim Jong-un prodigue ses bienfaits aux enfants comme le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il qui ont consacré tout pour les nouvelles générations montantes.